Le premier Parlement, vu l'article 24 de la Constitution, qui stipule que les candidats à la députation sont proposés par le parti. Mais tandis que pour cette fois, les candidats devaient voler de leurs propres ailes. Donc, à partir de ce moment-là, l'article 24 devient caduque. C'est ainsi que les candidats sont partis directement solliciter le suffrage universel. Et effectivement, c'est pour que, n'est-ce pas, le Parlement désormais puisse avoir un rôle important à jouer dans la vie politique, économique de notre pays. Oui, lors de cette première campagne électorale, il y a eu quelques incidents, il y a eu des bagarres, il y a même eu des blessés. Alors, est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que cela vous amène à penser qu'il faudra aller un peu moins vite que vous le souhaiteriez dans la voie de la démocratisation? Là, je ne crois pas, parce que c'est évidemment, bien sûr, il y a des incidents. Et comme, n'est-ce pas, la presse internationale l'a commenté, il n'y a jamais de mort. Mais il y a, n'est-ce pas, des incidents et sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est le jeu de la démocratie. Et nous pensons, n'est-ce pas, absolument continuer dans cette voie de démocratisation. 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1990, décidément l'année de toutes les références, le même président Eyadema annonce la suppression du Rassemblement du peuple togolais. Non pas en tant que parti, mais en tant que parti unique et parti État. C'est un changement de vocation sur lequel il s'explique lui-même à l'occasion du Conseil national du RPT.